réveil sonne. Tu ne bouges absolument pas. Tu restes dans ton lit. Tu refermes les yeux. Comment, 6 heures? Bonjour tout le monde, bon réveil si vous vous réveillez, vous êtes sur France Culture et c'est un autre jour est possible qui commence en ce mercredi 6 janvier 2016. Dans un instant, on retrouve notre tête chercheuse de la semaine, Sylvia Pérez-Vitoria, auteure de plusieurs ouvrages autour de la paysannerie, dernier en date, Manifeste pour un 21e siècle paysan. Et depuis lundi, on rêve, mais pas trop, d'un retour à la Terre comme un défi du 21e siècle. En deuxième partie, je serai avec le comédien Reda Kateb à l'occasion de la sortie aujourd'hui de du film Arrêtez-moi là. Mais tout d'abord, tête chercheuse. Retour à la Terre, un défi du 21e siècle. Bonjour Sylvia Pérez-Vitoria. Bonjour. Lundi, on a parlé des nouveaux mouvements paysans. Hier, on a parlé des enjeux écologiques et culturels. Aujourd'hui, on va parler de l'alimentation et de la santé. Mais déjà, hier, vous nous parliez de souveraineté agricole. Alimentaire. Oui. Alimentaire, oui. Oui. Oui, c'est la différence entre sécurité alimentaire et souveraineté alimentaire. La sécurité alimentaire, c'est le droit, c'est une notion des Nations Unies, hein, c'est le droit des peuples à avoir une alimentation suffisante et de qualité. Mais ça ne dit pas d'où vient cette alimentation. Alors que la souveraineté alimentaire, c'est le droit pour les peuples de produire leurs aliments. C'est d'où le mot souveraineté qui a rien à voir avec l'utilisation qui en est faite sur le plan politique par certains partis politiques. Mais c'est vraiment le droit des peuples de pouvoir produire, c'est-à-dire pas simplement consommer, parce qu'en fait, si vous avez un pays qui peut importer 100% de son alimentation, et ben voilà, il a sa souveraineté, sa sécurité alimentaire, mais il n'a pas sa souveraineté alimentaire, c'est-à-dire le droit de produire ses aliments et le type d'aliments aussi qu'il consomme, parce que si vous voulez, l'autre notion très importante, c'est que les grandes firmes agroalimentaires, elles ont comme stratégie, en fait, à l'échelle mondiale, d'essayer d'homogénéiser aussi les modes de type d'alimentation que les gens ont, ce qu'ils appellent la transition nutritionnelle. C'est-à-dire, il faut que les gens mangent un peu comme à l'occidental, beaucoup de viande, du blé, du sucre, du sel, etc., etc. Alors que dans le monde entier, il y a une grande diversité de modes d'alimentation et de produits, une très grande variété. Donc ça, c'est quelque chose de très important à préserver, en fait, parce que ça permet aux gens d'être autonomes sur le plan de leur alimentation, ce qui est quand même une garantie d'indépendance considérable. Sylvia Pérez-Vitoria, en vous entendant parler, effectivement, il y a une ambiguïté quand vous parlez de souveraineté, d'un retour à une alimentation nationale. Mais rassurez-nous, ça n'a rien à voir avec certains programmes de partis populistes en Europe. Ah non, ça n'a strictement aucun rapport. C'est une notion qui a été lancée par les paysans en 96, en fait, par le mouvement Via Campesina, justement, à une conférence de la FAO. Et c'est une notion très intéressante parce que ça redonne aux populations le droit de produire, encore une fois, leurs aliments et le droit d'avoir un minimum d'autonomie. C'est pas forcément national. On pourrait imaginer une souveraineté alimentaire au niveau européen aussi, il n'y a aucun problème, ou dans des régions aussi, on pourrait imaginer. Et d'ailleurs, ça commence à intéresser. Il y a eu des études qui ont été faites en France, par exemple, dans le Limousin, en essayant de voir qu'est-ce qui rentrait, qu'est-ce qui sortait, pour essayer de voir à quelles conditions une zone ou une région pouvait être autonome sur le plan alimentaire. Parce que c'est vrai que c'est pas du tout logique, par exemple, pour que le Limousin importe ses pommes de terre. ce qui est le cas, alors qu'il pourrait parfaitement produire ses pommes de terre. C'est simplement ça, c'est la notion de pouvoir produire ce qu'on peut produire. Et ce qu'on ne peut pas produire, eh bien on l'échange, ça n'empêche pas d'échanger. Et pourquoi on ne peut pas produire des pommes de terre en France, dans le Limousin? Parce que s'il suffit que vous ayez une production qui soit plus avantageuse ailleurs, c'est ce qui passe aussi pour le lait, il suffit que vous ayez, comme vous avez les firmes qui commercialisent, elles travaillent à l'échelle mondiale, il suffit de trouver des produits qui soient moins chers ailleurs pour les importer et comme l'énergie en plus des transports est subventionnée, eh bien ça revient moins cher parfois d'importer des pommes de terre de je ne sais où plutôt que de les produire localement. Et est-ce que c'est possible d'imaginer une agriculture locale dans un monde économiquement mondialisé ? Bien oui, parce qu'il y avait eu une étude qui avait été faite pour le ministère de l'Environnement il y a quelques années qui supposait que la France passait entièrement en bio et qu'on relocalisait la production. Et ça doublait le nombre d'actifs agricoles et ça avait été assez mal reçu justement parce que ça allait mal reçu par qui ? Bah par les hommes politiques et par les fonctionnaires du ministère de l'Environnement parce que ça allait à l'encontre de cette idée que eh bien on ne peut vivre que dans un monde où libérales, où les échanges sont importants, etc. Alors qu'en fait, c'est très très destructeur, en fait. Si vous voulez, la mise en compétition, encore une fois, si on parle en termes de paysannerie, et de maintien d'une paysannerie, la compétition acharnée à laquelle on est en train de se livrer, elle est extrêmement destructrice. Et elle est en particulier très destructrice dans les pays du Sud, puisque nous envoyons des produits subventionnés dans les pays du Sud, et ça détruit la paysannerie. Alors comment ces terres agricoles, puisque vous nous le disiez, Sylvia Pérez-Vitoria, qui ont été abandonnées pendant plus d'un siècle, comment ces terres agricoles doivent-elles être travaillées ou même retravailler de façon à maintenir ou à retrouver leur fertilité à long terme? En fait, elles ont été travaillées, mais elles ont été mal travaillées. Parce que l'agriculture industrielle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle met des produits, des engrais chimiques, elle tue la vie du sol. Elle va faire du forçage sur les plantes, mais elle va tuer la vie du sol. Et en fait, l'agriculture paysanne, elle redonne la vie au sol. Et c'est ça l'enjeu. Parce que, en fait, cette agriculture très productive, qu'on a, par exemple, nous, en France, dans la Beauce, les grands céréaliers, ou les grands betteraviers, etc., eh bien, effectivement, ils produisent des quantités très importantes, mais ils détruisent à terme la fertilité des sols. Et donc, récupérer la fertilité de sol, ça ne peut se faire que par des pratiques, justement, organiques et non chimiques. Donc c'est comme ça qu'on va maintenir les sols. Et c'est un des enjeux très très importants qui se noue autour de l'agriculture paysanne. Maintenir la fertilité à long terme, c'est notre avenir. Autre aspect, relocaliser la production et la commercialisation suppose une multiplication des paysans, alors que vous nous disiez qu'ils avaient disparu, remplacés par des agriculteurs, des territoires qu'on connaît aujourd'hui. Et donc il faudrait peut-être réfléchir en même temps, si ce n'est pas avant, à une politique urbaine nouvelle. Comment agencer toutes ces choses, Sylvia Pérez-Vitoria? Oui, c'est pas facile parce que c'est tout à reconsidérer, effectivement. Alors, ce qui tend à se développer quand même en France et ailleurs, d'ailleurs en Europe, c'est ce qu'on appelle les circuits courts, c'est-à-dire la possibilité pour les gens des villes, en particulier, d'acheter le plus près possible des producteurs. Ce sont les AMAP en France, ça existe en Italie, en Espagne, un peu partout. Et c'est intéressant. Et ce qu'il faut savoir, c'est que très souvent, les AMAP ont permis à des paysans de s'installer parce que ça leur assurait une garantie de commercialisation. et grâce à ça, ils ont pu s'installer quand ils ont pu avoir des terres. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant. Ce qui est aussi intéressant, c'est quand vous avez des collectivités territoriales qui se sont rendues compte, par exemple, que pour les cantines scolaires ou pour la restauration collective, il serait intéressant de passer des contrats avec des paysans directement locaux et non pas de faire appel à des traiteurs. Et cela se fait de plus en plus. Cela se fait de plus en plus. Le problème, c'est qu'il n'y a pas assez de paysans souvent, parce que si vous voulez la restauration collective, ça demande des quantités régulières très importantes. Et très souvent, localement, en bio, par exemple, vous n'avez pas suffisamment d'offres qui puissent permettre de faire ça. Donc, d'où la nécessité, et certaines collectivités territoriales le font, de préempter des terres municipales, pour y mettre des paysans qui vont produire et qui, du coup, vont pouvoir vivre. Alors, ce qu'on apprend de plutôt positif, Sylvia Pérez-Vitoria, dans votre manifeste pour un 21e siècle paysan, c'est que actuellement, c'est 70% de l'alimentation du monde est le fait de petits paysans sur 25% des terres agricoles. Oui. Ils sont là encore, les paysans. Ah ben bien sûr qu'ils sont là, ils sont toujours là. Ils représentent presque la moitié de l'humanité, un peu moins maintenant, hein, mais à peu près. Oui, ils sont absolument. C'est pour ça que c'est important. Ils sont mais toujours là. Mais beaucoup plus, je suppose, dans les pays du voilà, Sud. Voilà, beaucoup plus dans les pays du Sud. Chez nous, en France, ça représente à peu près 3%. Hein. Il y a une disparition assez abyssale des paysans. Donc ils sont toujours là, mais d'où l'enjeu très important, parce que si vous voulez, le système agroalimentaire, c'est ce que je dis toujours, il ne nourrit pas parce qu'il n'est pas fait pour ça. Une fois qu'on a compris qu'il n'est pas fait pour ça, qu'il ne va pas hésiter à transformer du maïs ou du blé en agrocarburant si ça rapporte plus, alors que ça pourrait alimenter les gens, qu'il ne va pas du tout hésiter à détruire des forêts ou des cultures traditionnelles pour mettre de l'huile de palme parce qu'il y a un marché là-dessus. Une fois qu'on a compris ça, il ne faut pas lui demander ce qu'il ne peut pas faire. Donc ce n'est pas lui qui va nourrir l'humanité. Il y a 1 milliard de gens qui ne mangent pas à leur faim. Il y a 1 milliard qui mangent trop. 1,5 milliard même maintenant. Donc c'est ça le résultat du système agro-industriel. Par contre, il y a des petits paysans qui nourrissent encore et qui donnent l'alimentation. Et d'où les enjeux très importants autour de la terre. C'est-à-dire que si la terre agricole disparaît ou fait l'objet, ce qui est le cas de spéculation financière, il y a un véritable risque pour l'avenir. Quand vous dites spéculation financière, c'est quoi? C'est des spéculations immobilières ou... Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, vous avez de plus en plus des fonds de pension ou des fonds financiers qui s'intéressent à la terre, qui est devenue un bien rare, la terre agricole est devenue un bien rare, tout simplement parce que l'agriculture industrielle est en grande partie détruite. Donc ils vont aller chercher les terres de paysans. Et bon, je donne dans mon livre l'exemple, parce que c'est tellement spectaculaire, de 14 millions d'hectares au Mozambique, où il y a 4 millions de paysans. Et on le dit, mais ces paysans, pour ces États, les paysans, ça n'existe pas. C'est comme s'ils n'existaient pas. Ils n'occupaient pas les terres. Donc, on les chasse pour faire de l'agriculture moderne. Or, on sait que cette agriculture moderne, elle va détruire. Ça va être une agriculture d'exportation. Et ces pays vont être obligés d'importer leur alimentation. Mais donc, c'est un cercle vicieux. Et ces pays du Sud sont obligés de de répondre un peu à des pressions et de rentrer dans le moule de ce marché mondial, non? Ils répondent à, disons que les dirigeants répondent à des pressions qui sont pas l'intérêt de leur population, en tout cas. Parce que, encore une fois, ils vont se retrouver à importer des aliments alors qu'ils pourraient les produire localement. Mais est-ce aussi cynique que ça, Sylvia Pérez-Vitoria, ou c'est un engrenage où plus personne n'arrive à sortir de cet engrenage parce que tout est lié d'une manière mondiale, mondialisée? C'est vrai que c'est un problème systémique, on peut dire ça, c'est vrai que tout est mondialisé, mais enfin, on pourrait résister, c'est-à-dire que les États pourraient, encore une fois, s'ils changeaient un petit peu leur hardware, comme je dis, hein, leur matériel, plutôt que changer juste le software, hein, c'est-à-dire de considérer que... Avoir une paysannerie nombreuse et diversifiée, c'est très important pour un pays. Mais il n'y a aucun État qui le considère. Donc en fait, pour eux, ça n'existe pas, les paysans. C'est même un État qui a 70% de paysans, tout ce qui l'intéresse, c'est la rentabilité que peut donner l'agriculture sur les marchés internationaux, en devises, etc. Mais pas du tout le maintenir un réseau de paysans qui occupe un territoire. Demain, on développera ensemble les enjeux sociaux et politiques. Merci beaucoup, Sylvia Pérez-Vitoria. Retour à la Terre, un défi du 21e siècle. Si vous voulez rattraper les deux premiers épisodes, une seule adresse, franceculture.fr. Tout est à votre disposition à la page Un autre jour est possible. Thank you. Chilawet, Ola, Chilawet, Chilawet, Ola, Chilawet. Urson et Neveso savaient à deux sandales, des grands m'attendaient, nos guéguiguets, des grands m'attendaient. Un paysan du Morbihan, un paysan du Morbihan. Est en prison à l'Orient, à deux sandales, des grands m'attendaient, nos guéguiguets, des grands m'attendaient. Il se trouvait là des Bretons, il se trouvait là des Bretons. Qui criait Braille, Trévalinette, à deux sandales, des grands m'attendaient, nos guéguiguets, des grands m'attendaient. Ils ont demandé aux paysans, ils ont demandé aux paysans. Dis-nous pourquoi on t'a mis là, deux sandales, tigron m'a tondé, nos guéguéguets, tigron m'a tondé. Le paysan leur répondit, le paysan leur répondit. Je dénonce les injustices à deux sandales, tigron m'a tondé, nos guéguéguets, tigron m'a tondé. Je dénonce les injustices, je dénonce les injustices. Et ça ne plaît pas du tout aux riches à deux sandales, dit grand matondé, nos guéguéguets, dit grand matondé. Oh Yann Carrel, ne t'en fais pas, oh Yann Carrel, ne t'en fais pas. Tu sortiras de ce trou-là, deux sandales, dit grand matondé, nos guéguéguets, dit grand matondé. Chilawet, ola, chilawet, chilawet, ola, chilawet. Urson et Neveso savaient à deux sandales, des grands m'attendaient, nos guéguéguets, des grands m'attendaient. Un autre jour est possible. Votre réveil culturel, tous les jours, de 6h à 6h30, par Toufik Hakem. Deuxième partie, l'invité du jour. Bonjour Reda Kattab, bonne année. Bonne année à toi Toufik. Alors qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Que ça dure, que ça continue. Moi, je vous souhaite le meilleur. Je sais pas ce que vous pouvez me souhaiter, mais en tout cas, j'espère que ce sera une plus belle année dans ce pays que celle qu'on vient de vivre, qui s'est terminée vraiment bizarrement, pas seulement tragiquement, mais bizarrement de tous les côtés. J'espère que je rentre de Berlin là où j'étais allé remettre un prix. J'ai senti l'esprit de cette ville, notamment par rapport aux réfugiés, par rapport à plein de choses qui me sont chères, et j'aimerais bien qu'on prenne un petit peu de cet esprit-là dans notre belle capitale de Paris. Bon, très bien, on aura le temps d'en parler tout à l'heure, mais d'abord, votre actualité, c'est un film qui sort aujourd'hui, arrêtez-moi là, et moi ce que je peux vous souhaiter, c'est de ne pas connaître dans la vie de tous les jours ce que vous avez connu dans ce film. C'est un film, un premier film de Gilles Bagnier qu'on connaît puisqu'il a réalisé pour la télévision la série Engrenage, et dans ce film vous êtes un faux coupable, chauffeur de taxi, faux coupable. Alors je suppose que c'est un rôle qui doit plaire aux comédiens, hein, depuis Hitchcock. Incarner un faux coupable à l'écran, c'est tout à la fois donner l'impression qu'on peut être coupable, parce qu'il y a tout un faisceau d'indices qui vont vous accabler dans ce film, et en même temps jouer sur une autre corde pour avoir l'empathie des spectateurs. Comment vous avez préparé ce rôle, Reda Kattab? De pas mal de manières, avec le réalisateur Gilles Bagnier, qui m'a fait voir des documentaires, qui a organisé des lectures avec mes partenaires, avec lequel on a parlé longtemps en amont, en fait, lorsqu'il était encore en écriture du scénario, sur des nouvelles versions pour affiner le scénario. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé de ce personnage, c'est un type de rôle, en fait, qu'on voit pas si souvent au cinéma. Il y a un type d'histoire qui est presque un genre à part entière du cinéma, qui est celui de l'erreur judiciaire. On a déjà vu pas mal de films qui traitent de ce sujet-là. Ce que j'ai aimé dans la proposition de scénario de Gilles Bagnier, c'est qu'il n'y avait pas de faux suspense sur l'idée qu'il serait peut-être réellement coupable. L'idée n'est pas de jouer là-dessus, et l'idée n'est pas non plus dans quelque chose de presque un peu voyeuriste, d'assister au calvaire d'un innocent tant qu'on est bien assis dans son siège, quoi, j'ai envie de dire. L'histoire est plus sur l'arrière-champ, sur comment est-ce qu'un jeune homme pris dans l'engrenage de la justice, et une fois qu'il va sortir, cherche à se reconstruire, et finalement la noblesse des gens qui cherchent à vivre une vie à vivre leur vie, quoi, tout simplement. Une vie qu'on pourrait dire normale, mais qui est plus que ça, qui est une vie dans laquelle on prend soin. Et du coup, un héros qui n'en est pas un, je suis très attaché à ce type de personnage, et je trouve qu'on ne les propose pas si souvent que ça dans le cinéma français. C'est-à-dire quelqu'un de tout à fait normal, qui va être pris dans un engrenage, qui va pas savoir se défendre au début, et c'est vrai qu'il n'y a pas de suspense, le spectateur sait très bien qu'il est innocent depuis le début du film, mais il comprend les autres personnages qui l'accusent en même temps, c'est ça la force de ce premier film. Oui, je pense que il y a quelque chose de l'ordre de la résilience en fait chez ce personnage. Il y a quelque chose de ces gens qui traversent des épreuves de la vie qui pourraient leur ôter leur humanité et chez qui l'humanité devient plus grande. Moi, j'en ai croisé pas mal dans la vie. J'en ai croisé dans des projections que j'ai pu organiser en prison de films et de dans lesquelles il y a forcément des gens qui sont là par erreur, des erreurs terribles puisque elles mettent en jeu des vies entières, quoi. Et je suis toujours très admiratif et fasciné par les gens qui arrivent à sortir de là en étant des plus grands êtres humains, j'ai envie de dire, sans fermer leur cœur, quoi. Donc voilà, je trouve que il y a quelque chose de cet ordre-là sur la proposition du film, et puis sur l'idée que la force n'est pas forcément la force. Viril de l'homme, du héros qu'on peut montrer au cinéma. J'ai commencé avec Gilles Bagnier sur Engrenage par un rôle, pour le coup, de personnage extrêmement violent, extrêmement dur. Et ce film-là est presque l'antithèse en termes de personnage, puisque c'est un homme doux et c'est sa douceur, sa force, en fait. C'est aussi un film où le cynisme des temps présents passe, pas seulement pour l'erreur judiciaire, mais ce qui se passe après, c'est-à-dire le business de comment réparer une erreur judiciaire. Et là, le film dévoile tout un business. Oui, alors le film est adapté d'un roman américain de Ian Levinson, du même titre. Et Gilles a dû adapter pas mal de choses au droit français, à la situation française. Et je dirais qu'en France, on est en train d'y venir, à la justice business, à la santé business, à ces choses-là qu'on pourrait croire protégées du business et qui sont en train de rentrer dans nos vies. Donc, ça apparaît. Ce personnage, finalement, qui est à la fois acteur et spectateur de sa propre histoire, comme c'est dit à un moment par le procureur, devient l'enjeu de force qu'il dépasse, en fait. C'est très intéressant à jouer, formellement, quoi, en tant qu'acteur. C'est très intéressant à jouer parce que y a une chose dans laquelle il faut être là et presque absent en même temps. Enfin, il y a des tiraillements entre cette notion de présence qui n'est pas forcément être présent, c'est pas être crispé dans le moment présent à 100% là. Il y a une chose... présence-absence, que moi j'ai beaucoup aimé jouer en tout cas. Comment va se passer l'année 2016 pour vous, Reda Kateb? C'est quoi vos grands projets? Je peux pas parler de tout, et puis j'ai pas envie, pour le coup je suis un petit peu superstitieux sur ces choses-là, donc j'ai pas envie de tout vous dire, mais un projet qui me tient extrêmement à cœur et qui mobilise beaucoup en ce moment, c'est un film que je prépare dans lequel je vais jouer Django Reinhardt. Sur lequel je suis intensivement en préparation et qu'on va commencer à tourner en février. Sous la direction ? D'Étienne Comard, qui est scénariste et producteur, qui avait écrit Des Hommes et des Dieux de Xavier Beauvoir. Mais c'est extraordinaire, vos deux passions enfin réunies, la musique et le cinéma. Absolument, ouais, c'est vraiment... J'ai bondi lorsque ce projet s'est présenté et qu'il s'est confirmé. Et puis ça fait quelques mois maintenant que je travaille la guitare, que j'ai eu l'occasion de jouer avec un groupe de jazz, et que je peux réunir ces deux passions pour incarner un rôle à escalader, je dirais. Au contraire de certains personnages qu'on, au cinéma, on ramène un peu vers soi. Là, il s'agit de rendre dans toutes ses dimensions un personnage extraordinaire, quoi. Voilà une bonne nouvelle. On passe au questionnaire, Reda Kateb. Vous choisissez trois questions. Quel est votre écrivain de prédilection? Je vais pas vous surprendre, et puis c'est pas par solidarité familiale, mais c'est définitivement Kate Biasin, un auteur qui m'a fondé en fait, qui m'a construit en tant qu'artiste, j'ai envie de dire, à plein de niveaux, justement sur la notion de liberté, la notion de responsabilité aussi, qu'un artiste ne vit pas coupé du monde, et surtout lorsqu'on lui donne la chance, comme je peux l'avoir aujourd'hui, d'exister, de faire son métier dans des belles conditions, et bah de continuer d'être aux prises avec le monde dans lequel il vit. Ça tombe très bien, puisque du coup, je vais rappeler qu'un des événements attendus cette année, c'est le 27 février au Mucem à Marseille, pour marquer le 60e anniversaire de la sortie du livre culte de Kate Biasin, Nejma. Il y aura donc un spectacle, des lectures de textes, mais aussi des chansons de Brigitte Fontaine, ça sera au Mucem, pour Kate Biasin. Deuxième question. C'est une très bonne nouvelle. En venant ici pour faire cette interview, j'ai pris un taxi. Et le chauffeur de taxi s'est mis à me parler de Kate Biasin. Il était, je sais pas, il doit avoir une petite soixantaine. Et j'espère que voilà, les nouvelles générations pourront découvrir cet auteur dont on a besoin vraiment encore plus. Justement, je vous parlais de cette montée des communautarismes et tout ça. Kate Biasin est un homme qui a toujours dit ce qu'il pensait, notamment sur les religions et sur ces choses-là. Et je pense que les jeunes lycéens issus de banlieue, comme j'ai pu l'être et tout ça, ont besoin de phares comme lui pour proposer un autre chemin, quoi. Deuxième question. Qu'aimeriez-vous retrouver du temps passé ? Ah. Ça marche moins bien avec les jeunes. Hein. Ouais, mais bon. Vous avez quel âge ? J'ai 39 ans bientôt. Pas encore vieux, non. Et plus tout à fait jeune. Et qu'est-ce que j'aimerais retrouver du temps passé ? Quelques personnes, on va dire. Troisième et dernière question. De toutes les fleurs du monde, laquelle est votre préférée ? J'aime le tournesol. J'aime le tournesol qui se tourne vers la lumière partout où il est. S'il trouve un rayon de soleil, il y va. Merci beaucoup, Reda Kazem. Je rappelle que vous êtes à l'affiche du film de Gilles Bagné qui sort aujourd'hui. Arrêtez-moi là. Merci. Générique de fin, et c'est vous qui le lisez, bien sûr. C'était Un autre jour est possible, votre réveil culturel. Une émission de Toufik Hakem pour ceux qui se lèvent tôt et qui écoutent la bonne radio. Les lèvent pas tôt peuvent écouter ce programme en s'abonnant au podcast de l'émission disponible sur franceculture.fr. Un autre jour est possible a été préparé avec Anaïs Isébert, Pascaline Bonnet et Thomas Duterre. Merci cher ami, à bientôt j'espère. À bientôt, bonne journée à tous, merci. Belle matinée, nous on se retrouve demain à la même heure.